Bonjour ou bonsoir. Aujourd'hui, c'est une lecture un petit peu particulière, puisqu'il s'agit de la présentation d'un bouquin, un livre qui vient de sortir. Il s'appelle Retour à Notre-Dame-des-Landes, portrait et reportage. Il est écrit par Marc Leduc et Jocelyne Rat, qui sont des anciens journalistes de la rédaction Ouest France et qui ont un parcours assez particulier, puisqu'ils suivent la lutte depuis très longtemps. Et qu'ils sont arrivés dans la lutte, comme beaucoup de personnes du coin, de la région et de personnes qui ont entendu parler rapidement du projet initialement. Ils sont arrivés dans cette lutte plutôt supporters du projet d'aéroport. Et plutôt rapidement, au vu des arguments, de la raison juste déjà, et de toutes les choses qu'ils ont pu découvrir au cru de leurs enquêtes, ils ont basculé du côté lumineux de la force, puisqu'ils ont rejoint le rang très nombreux des personnes qui s'opposent désormais au projet d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes. Donc, pour vous faire un peu connaître ce livre auquel je participe, avec de nombreuses photos, dont la couverture, je vais vous lire la présentation qu'ils en font en quatrième de couve, comme on dit, au dos du bouquin. Et puis quelques extraits, je pense, un peu, je pense que je vais les piocher au hasard, comme ça. Ça va être assez, assez amusant. Voici donc déjà la présentation du projet, enfin du livre. Il y a plusieurs façons d'évoquer Notre-Dame-des-Landes. Doyenne des luttes environnementales, territoire entré en résistance depuis plus d'un demi-siècle. D'anciens journalistes du quotidien Ouest France ont fait le choix de reprendre le récit d'événements marquants dont ils eurent à rendre compte, de les mettre en perspective, et puis donner la parole à des femmes et à des hommes qui n'ont jamais renoncé, convaincus de mener un combat juste. Ils racontent les luttes paysannes, la grève de la faim, les vélos et tracteurs en route pour Paris, les grands rassemblements, les manifestations, les naturalistes sur le terrain, les actions en justice, la répression, la vie, aujourd'hui, dans la ZAD, loin des caricatures. Écrits depuis le camp des opposants, ces récits vivants, incarnés, permettent de mieux comprendre l'évolution d'un combat devenu symbole, cause capable de mobiliser des milliers de personnes en quelques jours. Marc Leduc et Jocelyne Rat, anciens reporters à la rédaction Ouest France de Nantes, ont suivi le dossier de Notre-Dame-des-Landes pendant 15 ans. La plupart des photographies, souvent inédites, sont réalisées par des photographes indépendants et un ancien reporter du quotidien. Voici donc, déjà je vais vous lire parce que ça m'a fait sourire, le titre des chapitres qui sont dans ce livre. Le premier titre, Un soir de juin dans le hangar de la ZAD. Oui, on va faire ça, tiens. Je vais vous lire l'intro de chacun de ces chapitres. Et donc, un soir de juin dans le hangar de la ZAD. Il est tard. Les appels à la poursuite du combat se sont tus sous le hangar de la vacherie, au cœur de la ZAD. Restent les résultats, tracés à la craie sur le grand tableau de l'école Troisième République. Et puis, une centaine de militants anti-aéroports commentant la victoire du oui au projet. Compte tenu du périmètre de la consultation et des conditions imposées, le résultat ne les a pas surpris, n'empêche. En ce 26 juin 2016, pour le journaliste aussi, la soirée a un coup étrange. Encore une fois, s'assurer que le texte est bien arrivé, ranger notes et ordinateur, ce sera son dernier reportage. Dernier article écrit depuis le terrain, dans la nuit du bocage, avant de tirer le rideau. Ils le savent. On se retrouve autour des cubitonnières. Et maintenant, tu vas écrire un livre sur Notre-Dame-des-Landes ? Lance un militant entre interrogation et suggestion. Des livres, des brochures, des écrits, Il y en a eu beaucoup depuis l'historique « Dégage, on aménage » en 1976. La liste s'est récemment enrichie de la fabrication d'un mensonge d'État, expliqué par l'ancienne élue Françoise Verchères, ou encore du récit militant et des paroles de lutte collectées par le collectif Mauvaise Troupe. À quoi bon ? Oui, mais un livre de journaliste, précise une voix, peut-être la même. Un livre de journaliste, donc. Puisque telle fut la proposition, la demande, pour ne pas dire la commande, peu avant minuit. Rédigé par deux journalistes qui eurent à traiter de ce dossier à des moments différents, entre le début des années 2000 jusqu'à ce mois de juin 2016, puis la relance du projet d'aéroport jusqu'à cette consultation instrumentalisée par le gouvernement. Tant de reportages, de conférences de presse, comptes rendus d'audiences, de réunions publiques, rassemblements estivaux, controverses, communiqués, courriers anonymes, pression d'élus et du lobby pro-aéroport, explications sur le terrain. Tant d'années à traiter un dossier extraordinaire au sens premier du terme, sans jamais se lasser, puisque l'actualité du sujet ne fut jamais avare de rebondissements. Peut-être fallait-il revenir sur ces années par des récits subjectifs, partisans, mais pas militants. Reprendre des épisodes oubliés ou méconnus, avec des détours dans l'histoire sociale du demi-siècle passé, et puis des rencontres avec les acteurs de la résistance à un projet d'un autre temps. Selon le calendrier des porteurs de projets d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, celui-ci aurait dû accueillir ses premiers passagers fin 2017. Il n'en est rien. Les faiblesses du dossier, la longueur du processus sont, certes, pour beaucoup dans l'échec, provisoire ou définitif, d'un projet remontant aux années 1960. Mais l'aéroport s'est surtout heurté à l'infatigable résistance de femmes et d'hommes qui ont toujours cru à la justesse de leur combat et ont su partager leurs convictions. Pour eux, qui n'ont jamais baissé les bras et dont il sera question ici, sans doute fallait-il revenir sur ces années de lutte, revenir à Notre-Dame-des-Landes, son bocage, si riche de sa faune, de sa flore, mais surtout de ses paysans, de ses habitants, anciens et nouveaux, dans leur grande diversité. Voilà, en fait, ça c'est la note d'intention du livre. Et derrière, il y a plein de chapitres qui reprennent la lutte au fur et à mesure. Le premier chapitre suivant s'appelle « Dans les campagnes en effervescence, dans les années 1970, le projet d'aéroport se heurte à des paysans qui ne s'en laissent pas compter ». Déjà mobilisés contre les propriétaires terriens, solidaires des ouvriers de Nantes et de Saint-Nazaire, acteurs de la lutte du Larzac. Donc là, il y a tout un historique avec plein de photos. C'est assez touchant de voir des visages qu'on reconnaît, jeunes, et qu'on connaît désormais, figures historiques du mouvement. Il y a, ouais, plein de choses qui sont évoquées. Le chapitre suivant s'appelle « Pionnier ». On ne doit dire merci. On ne doit de merci à personne. Ça, c'est une parole. Oh, tais-toi le téléphone. Ça, c'est une parole qu'on doit à Julien Durand. Dans toute sa tranchitude. Aujourd'hui, paysan retraité, Julien Durand a participé à tous les combats pour défendre les terres outils de travail. Dans les hameaux, il a participé aux premières veillées contre le projet. Donc voilà, c'est tout un chapitre sur l'histoire de Julien Durand dans cette lutte. Et c'est vrai que il a un sacré parcours, le Julien. Le chapitre suivant sur les pionniers, c'est sur Claude Collat. Avec une citation, le préfet faisait pression sur les élus. Très tôt, Claude Collat a rejoint le combat des paysans. Plus tard, il sera parmi les premiers adhérents de la CIPA, dont sa carte porte le numéro 6. Donc voilà, il y a en fait plein de portraits comme ça, c'est vraiment le thème du bouquin. Le suivant, on retrouve Cyril. Cyril Bouligan, avec une citation « Comme les ouvriers qui occupent leurs usines ». Cyril Bouligan appartient à cette nouvelle génération de paysans en lutte contre l'aéroport. Il participe au collectif Copain d'organisations paysannes, très présent dans la ZAD. Donc voilà, c'est la parole à Cyril sur cette page suivante. Puis on passe à une nouvelle série de petits chapitres autour, le premier c'est, ou de petits ou de grands chapitres d'ailleurs, puisque c'est des bouts d'histoire, sur le grand débat qui annonce les gros ennuis en 2003, avec une photo assez parlante. Le débat public en 2003 a marqué le coup d'envoi du projet. Un débat pour rien. Les jeux étaient déjà faits. Et puis, 13 ans après, la Commission nationale du débat public est à nouveau mobilisée pour donner un vernis démocratique au projet. Donc là, c'est assez chouette parce que moi, c'est tout un pan que je connaissais peu, qui est voilà le coup d'envoi de la pseudo consultation démocratique autour du projet. Et il y a pas mal de choses intéressantes qui sont expliquées dans ces pages. Et on fait un bond ensuite sur le chapitre suivant, vers 2016, puisqu'on se retrouve sur la consultation juin 2016. On invente un peu les règles. Les opposants du début des années 2000 ne pouvaient pas imaginer qu'ils n'en avaient pas fini avec la Commission nationale du débat public. Celle-ci revient en 2016. Pour déposer une touche de vernis démocratique, comme on le disait juste avant, sur une consultation bricolée. Et donc, là, bon, j'avoue, je vais vous en parler un tout petit peu. Il y a une photo que j'ai eu la chance de pouvoir faire à la vacherie ce soir de consultation, où c'était quand même tendu. Nous, on était plutôt sur la construction du dôme. Voilà, c'était le fameux jeu de mots que personnellement j'ai mis très très longtemps à comprendre. Refaire un dôme, puisque c'était une consultation, j'arrivais pas à le comprendre. Mais c'était assez drôle. Et donc on s'est quand même tous retrouvés, qu'on soit pour ou contre la consultation, qu'on y ait participé ou non. Il y avait eu cet accord tacite qui était de dire... Il est évident que les personnes qui sont sur une modalité citoyenne vont tout faire pour que la consultation fasse passer le non à l'aéroport. Et donc les personnes plutôt contre ce type de fonctionnement pseudo-démocratique se sont tenues à ne pas intervenir contre ou voilà, juste faire ce qu'elles avaient à faire à côté et à proposer entre autres de refaire un dôme. Et donc on s'est quand même retrouvés très très très très très nombreux à la vacherie ce soir-là pour voir les résultats, pour en parler ensemble. Et les résultats sont tombés. Et je ne sais pas ce qui s'est passé. C'est vraiment la magie de ce mouvement. Une délégation est sortie pour prendre parole officiellement auprès de la multitude de micros et caméras qui n'attendaient que ça et s'attendaient sans doute à quelque chose de très défaitiste. Et là, eh bien, il y a eu un grand rire collectif, quelque chose de très détendu, une blague, et c'est parti en quelque chose de très fort, de très déterminé. Et en fait, on était vraiment, mais pas du tout assommés par les résultats, on s'en doutait tellement. Donc voilà, c'est vrai que c'était une photo assez symbolique de comment se passe. Cette lutte, elle est pleine de rebondissements et pleine de surprises, et c'est pleine de magnifiques surprises comme celle-ci, qui a été qu'au lieu de se décourager, ça nous a encore plus recouragés de se dire, mais sérieusement, le truc il est tellement biaisé, on va quand même pas l'accréditer avec une déconfiture, avec une tristesse, ou non, de toute façon, ça change absolument rien à la détermination. Donc voilà, ce chapitre-là, j'ai la chance de pouvoir illustrer ce moment très fort qui s'était passé à la vacherie en juin 2016. Et c'est suivi par une petite déconstruction du... Enfin, il y a pas mal de déconstructions dans le bouquin, entre autres là, sur la soi-disant saturation de Nantes Atlantique, qui est assez bien foutue, très courte. Et on se retrouve à nouveau avec les pionniers. Cette fois-ci, il est question du maire de Notre-Dame-des-Landes. Élu sur une liste anti-aéroport, le maire de Notre-Dame-des-Landes soutient les opposants historiques et a participé à la création du CEDPA, l'association des élus qui doutent de la pertinence de l'aéroport. Donc là, voilà, c'est un peu sur le parcours de ce maire de Notre-Dame-des-Landes contre l'aéroport, mais pas trop fan de l'occupation non plus. S'ensuit un portrait d'une secrétaire de l'ombre, parce qu'en fait le mouvement contient beaucoup de secrétaires de l'ombre que peu de personnes connaissent et voient. Et Anne-Marie Chabot en fait partie. Elle est informaticienne militante 2.0, comme le présente le chapitre. Elle fait partie du groupe qui a lancé l'association citoyenne ASIPA. Informaticienne, elle en a créé le site internet. Et j'en profite du coup pour faire à nouveau une petite. Je vais pas arrêter de faire des digressions en fait. Mais c'est une des grandes particularités de ce mouvement. Au-delà, il y a deux, pour moi, deux choses très fortes et qui me rendent très fière d'être une des petites chevilles de ce très très gros mouvement. C'est que d'une part, il n'y a aucune figure de proue qui a accaparé la parole. Et que, au bout de tant d'années, c'est toujours les paroles de différentes sensibilités. Et il n'y a toujours pas de mainmise volontaire ou involontaire, hein, c'est pas toujours volontaire ce genre de choses, d'une sorte de personnification de la lutte. Et ça, je trouve ça mais hyper important et super chouette. Et l'autre côté super chouette que je trouve dans ce mouvement, c'est qu'il est fait de plein de automédias, on va dire, pour faire très très court. C'est-à-dire que les informations partent depuis les outils médiatiques de toutes les composantes de ces luttes. Et ça, c'est assez assez dingue. Je veux dire, il pourrait y en avoir un. Non. Là, il y a les plus connus, le site de la SIPA, fabriqué avec leurs petites mains. Il y a le site de la ZAD, ZAD.nadir, pareil, fabriqué par les petites mains de l'ombre. Il y a aussi le blog Parole de paysans, alimenté par des textes qui sont mais hyper chouettes et qui viennent, voilà, c'est leur outil aussi. Il y a aussi le blog des naturalistes en lutte, il y a aussi le site de l'atelier citoyen. Bref, ce sont que des automédias. Le CNCA qui a son blog depuis très longtemps aussi. Pas mal de comités locaux, je crois d'ailleurs, ont des blogs ou des choses comme ça. Et c'est seulement ensuite que les informations apparaissent sur les réseaux sociaux, mais elles sont d'abord générées depuis les outils de la lutte. Et ça, c'est vraiment pas rien, quoi. Donc, c'est une grande cohérence politique et stratégique. Donc voilà, là, il est question d'Anne-Marie. Et voilà, c'est chouette de la voir apparaître, elle qui est plutôt dans l'ombre. Ensuite, c'est un chapitre sur une autre figure de la SIPA, c'est Geneviève Le Bouteux. Qui est la plume des dossiers complexes. La plume des dossiers complexes. Elle est statisticienne et elle a rédigé beaucoup des dossiers et argumentaires utilisés dans les grands débats et mis à disposition du grand public. Et donc voilà, c'était un portrait de son parcours et avec ses paroles. Puis une autre pionnière de la SIPA, Agnès Bello, elle qui rêve du jour. Ah, ce téléphone. Du jour où la SIPA disparaîtra, secrétaire de la SIPA, Agnès Bello, assure le lien entre les collectifs citoyens, pilotes, architectes, élus, etc. Et elle rêve de la fin de son association sous sa forme actuelle, car cela signifierait l'abandon du projet. Voilà, donc il y a un portrait de Agnès Bello. Et on repasse à nouveau à un des temps forts de la lutte contre l'aéroport, dans l'aéroport, justement. C'était une manif en 2012. Et le titre, c'est « Les CRS attendaient les manifestants à l'étage ». La période précédant la grève de la faim de 2012, puis les affrontements de l'automne, ont vu se multiplier des actions et des initiatives qui ont peu à peu donné une dimension nationale au dossier. Et là, on voit donc un compte-rendu de l'action qui s'était passée dans l'aéroport, qui avait commencé de manière et qui se voulait être très bon enfant avec plein de clowns et tout, une intervention plutôt pagailleuse mais joyeuse. Et en fait, les personnes, il y a eu un gros stress général, je pense, des personnes qui travaillaient là et qui ont fait monter la pression. Mais surtout, le stress a été causé, je pense, vu les photos, parce que moi je n'étais pas sur place, par la présence massive et très flippante hein, des policiers. Désormais, les CRS, c'est vraiment des robocops, rien que leur vision fait dresser les poils sur la tête d'inquiétude, et ce qui fait que ça s'est soldé par une sorte de guet-apens et un tabassage. Voilà, c'était un avant-goût des tabassages à venir, peut-être. Mais voilà, ça a été hyper, hyper choquant comme répression. C'était que le début, hélas. Ensuite, il y a le récit d'autres attaques de la ZAD et du mouvement. Certaines assez jubilatoires de l'armée des légumes sous les fenêtres de la préfecture en 2011. Voilà, il y a pas mal de trucs assez chouettes là-dedans. Nouveau portrait qui peut surprendre un portrait de François Bayrou, élu anti-aéroport 531. Parce que voilà, l'homme politique a été adhérent du collectif des élus opposés au projet d'aéroport dont il avait souligné la justesse des arguments. Donc voilà, c'était un passage assez court, mais avec une grande photo sur François Bayrou qui s'était déplacé plusieurs fois, si j'ai bien compris. Autre pionnier, et pas les moindres, Paul Rouleau et sa compagne Thérèse Rétière. Pionniers du combat anti-nucléaire, des vigies venues du combat anti-nucléaire, paysans, conteurs, pionniers de l'agriculture biologique et du combat anti-nucléaire, Paul Rouleau a beaucoup contribué à de nouvelles formes de lutte dans le combat anti-aéroport. Donc voilà, ça c'est une page qui lui est consacrée et s'ensuit. Je ne sais pas pourquoi c'est écrit pionnier, mais en fait il s'agit de l'action assez folle des tractos des tractos vélos quand ils allaient sur les chemins à bicyclette. Les caravanes de tracteurs et de vélos ont popularisé la lutte bien au-delà de Notre-Dame-des-Landes. Organisateur, ah oui, ben voilà, c'est qu'il est question de l'organisateur Jean-Yves Arnaud qui a participé au premier périple régional puis au suivant vers le Sénat. Donc c'est vrai que c'est des aventures qui ont fait beaucoup, à la fois pour faire connaître la lutte, mais aussi pour que des personnes de différentes composantes passent plus qu'une réunion ensemble, et se rencontrent, et se connaissent, et se fassent confiance, ou s'engueulent, mais fassent ensemble. Et voilà, c'est vrai que c'est pas rien, ces tractos vélos. Puis, un très beau portrait, avec Robert Chiron, Michel Tarrin et Gilles Denigaud pour le chapitre suivant qui s'appelle De la colère dans les bols fumants. Dans le contexte de l'élection présidentielle, les grévistes de la faim du printemps 2012 ont réussi à repousser les expulsions des paysans qui étaient attendues à la fin de l'année. Voilà, c'est tout un chapitre consacré à cette grève de la faim hyper marquante, hyper forte. Voilà, à découvrir. Et un témoin, petit mot d'un témoin, Gilles Denigaud, qui a fait 19 jours de grève de la faim, ancien syndicaliste docker, ancien élu écologiste, et qui dit « nous formions une sorte de famille ». Autre témoin, c'est, oui, voilà, pareil, c'est fait partie des figures qu'on ne s'attend pas forcément à trouver dans ce livre. Il s'agit de Alain Gralepoix. Citation, Jean-Marc Ayrault avait interdit tout débat. En 2010, Jean-Marc Ayrault, ici avec Jacques Auxiette, alors président de la région, et Patrick Maréchal, président du département. Alain Gralepoix, négociateur, qui était secrétaire fédéral du PS et président du groupe socialiste à la région, est allé à la rencontre des grévistes de la faim. Et donc, voilà, il témoigne de la manière dont on pouvait, ou surtout, la manière dont on ne pouvait absolument pas débattre du projet d'aéroport au sein du PS et des instances de direction régionale et citadine. Alors là, c'est un moment de grosse émotion. C'est un très, très, très beau portrait de Michel Tarrin dans Les Pionniers. Avec une citation, nous gagnerons car notre cause est juste. Âme du combat anti-aéroport pendant 40 ans, Michel Tarrin a été de toutes les luttes pour préserver la terre nourricière, de toutes les solidarités paysannes et toujours dans la non-violence. Ce chapitre est particulièrement touchant parce que voilà, il y a l'histoire longue et forte de Michel Tarrin et qui, entre autres, c'était un régal de répondre aux porteurs du projet qui nous disaient « Vous êtes de toute façon, vous êtes contre les avions ». Et en fait, non. Il y a plein de gens dans cette lutte, comme Michel Tarrin, qui aiment l'aviation. Et Michel Tarrin était même pilote. Mais le côté émotion aussi ressenti, c'est que voilà, de tomber sur ce livre et cette évocation d'une personne qui est morte pendant le combat évoque forcément le décès en parallèle de Rémi Fraisse au Testet le 26 octobre. Et aussi, il m'évoque aussi l'annonce d'un décès récent d'une personne qui habitait la ZAD il n'y a pas longtemps et qui nous a un peu fauché dans la fête du dernier week-end. Donc voilà, c'est une personne de l'ombre, c'est une personne dont on n'entendrait pas trop parler, mais une occupante et une résistante, et j'en profite voilà pour évoquer son passage et son départ de la lutte. Voilà, désolé pour ce petit écart. Nous arrivons au chapitre « Et partout dans les champs des vaches qui font pas meux », qui est un clin d'œil à une super chouette chanson qu'avait fait la Parisienne Libérée, merci à elle, vraiment. À l'automne 2012, l'intervention des gendarmes et des CRS contre les occupants de la ZAD suscite un très important mouvement de solidarité. Et le gouvernement doit reculer. L'opération César est évoquée pendant pas mal de pages avec une chouette délicatesse qui est de ne pas surjouer le côté combat, mais de montrer beaucoup les conséquences et à quel point, voilà, les militaires, enfin les CRS et compagnie, arrivent dans des espaces qui sont des espaces vivants et des espaces joyeux, simples, et que vraiment ces costumes de Robocop font tache dans cet univers proche de la Terre. Donc voilà, il y a un gros résumé des batailles et de la résistance à l'occupation. Il y a un témoignage qui commence par « Je m'appelle Mary Poppins » et qui est en fait le témoignage de Sylvain Fresneau et qui raconte des anecdotes assez chouettes sur ce moment-là où c'était franchement pas chouette du tout et où tout le monde pétait des câbles. On voit des photos de personnes qui sont là pendant des destructions, pendant des harcèlements. On voit des figures amies, on voit des figures déterminées, on voit aussi des figures destructrices. Il y a aussi un long témoignage de Stéphanie Levesque, médecin bénévole, qui témoigne sur la gravité des blessures. Il y avait eu un compte-rendu hallucinant qui avait été envoyé au préfet afin d'attirer l'attention sur la gravité des blessures des manifestants. Et ce témoignage avait fait beaucoup pour la prise de conscience de la force de la répression qui désormais est devenue monnaie courante, hélas. S'ensuit un chouette passage sur la réoccupation, à la reconquête de la ZAD à l'automne 2012. La solidarité s'organise dans toute la France après l'intervention des gendarmes et CRS dans la zone à défendre. Et le samedi 17 novembre, plus de 30 000 manifestants réoccupent le terrain. Donc là, il y a plein de photos, plein de mots sur ce moment complètement dingue de construction collective des cabanes de la Châtaigne. Et moi, je me rappelle avoir versé ma petite larme parce qu'en quelques minutes, pendant que je discutais, une cabane s'était déjà élevée sur ce territoire. Pareil, on retrouve des têtes de copains et copines qui ont pris quelques années depuis, je voudrais pas dire. C'est assez rigolo. Bon, moi, j'ai l'habitude de flouter les photos, donc c'est vrai que ça me fait... Ça, c'est assez... Voilà, c'est chouette quand même de voir... les personnes. J'espère qu'il n'y aura pas de soucis d'ailleurs, mais je pense que tout a été vérifié là-dessus pour que ce ne soit pas des photos qui remettent en cause les gens. Et ça a été très très comment dire, évident comme, comme choix de ne pas mettre les gens en danger. S'ensuit un témoignage avec une photo de ce moment-là, justement, de JP, qui s'est improvisé brancardé pendant les affrontements. Le cheminot retraité de Limoges a été très présent sur le terrain, construisant des cabanes, donnant des coups de main aux paysans, ravitaillant les jeunes et qui affrontaient les gendarmes mobiles. Jean-Pierre Chauffier, donc il s'agit de son passage aussi dans la lutte. Puis une autre figure que vous avez forcément croisé dans les manifs partout, tant il est très très très impliqué. Il s'agit de Christophe Mounier, pilier depuis 2009 du comité de Redon. 2009, hein. Les comités de soutien ont joué un rôle important dans la réoccupation de la ZAD et Christophe Mounier, ancien animateur socio-culturel, a participé à la création du plus ancien, celui de Redon. Donc voilà, il y a un passage sur lui. Puis, un passage plus de mise en perspective, une lutte qui s'inspire du Larzac. Tout un chapitre sur le rapport entre cette lutte et le Larzac. Dans les années 1970, les paysans de Loire-Atlantique furent des acteurs importants de la lutte du Larzac contre l'extension du camp militaire. L'expérience et la mémoire de ce combat nourrissent la lutte d'aujourd'hui dans le bocage nantais. Donc voilà, on se retrouve avec pas mal de mises en perspective entre les deux mouvements. Il y a un mot, moi, qui m'a sauté aux yeux, parce que c'est un mot que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il est question d'un faiseur de bâton. Et ce mot faiseur, je l'aime beaucoup depuis que j'ai lu Alvin le faiseur. Voilà, je vous laisse, vous découvrirez. Évidemment, il n'est pas question de dire que c'est la même lutte. Justement, ça permet le parallèle permet de montrer en quoi c'est aussi différent et en quoi la lutte de Notre-Dame-des-Landes a trouvé sa propre identité. Il est aussi question, alors ça c'est chouette, je pense même que je vais vous le lire, du combat donc anti-nucléaire, dont, même si on a déjà vu des figures juste avant, et ceux des marais salants de Guérande. Pour celles et ceux qui ne le savent pas, c'est une des luttes aussi inspiratrices de Notre-Dame-des-Landes. Le projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes date d'une époque où les bétonneurs dessinaient aussi une route à quatre voies à travers les marais salants de Guérande. Un truc de ouf, quoi, t'imagines quand même le truc. Et celle-ci aurait déversé des flots de voitures vers de grands bassins de plaisance et les programmes immobiliers, les pieds dans l'eau. Le sel artisanal, expliquaient les modernes de l'époque, c'était une production du passé, condamnée. C'était sans compter sur les paludiers, riverains, écologistes, universitaires et militants bretons qui se retrouvèrent pour défendre une activité plus que millénaire. Il y eut des manifestations, une inauguration de la route bleue sous les cris et les jets de pierre, des recours en justice, les contributions scientifiques du théâtre militant et des actions économiques afin de valoriser le sel et partir à la conquête de nouveaux marchés. Contemporaine de la naissance du projet Notre-Dame-des-Landes, cette lutte victorieuse rappelle que les aménageurs n'ont pas forcément raison et qu'il n'y a pas de fatalité de l'argent et du béton. Voilà. Ensuite, je fais encore une digression. Hey, pour dire que justement à propos de béton, il y avait Nicolas de la Cassinière avait fait un bouquin qui s'appelait les prédateurs. Voilà, les prédateurs de béton. Et là, en fait, il vient tout juste de sortir un bouquin avec reporter qui s'intitule Les prédateurs du climat. Donc, je ne l'ai pas encore feuilleté, évidemment, puisque je viens de voir qu'il vient de sortir. Mais ça promet, ça aussi, d'être franchement poil à gratter, connaissant le porte-plume. Donc, le chapitre suivant de Retour à Notre-Dame-des-Landes, portrait et reportage, s'intitule Les pique-niques prennent de l'altitude. Donc là, c'est tout un passage sur les rassemblements estivaux. Les grands rassemblements estivaux ont commencé de façon modeste par des pique-niques à l'ombre des talus au début des années 2000, avant de passer assez vite à la vitesse supérieure, mobilisant des centaines de bénévoles et d'artistes. Donc il y a tout un... tout un survol, c'est le cas de le dire, des différents rassemblements. C'est assez chouette. On voit aussi des... Ça m'a vachement touché, une photo dans toutes ces petites mains de l'ombre dont on ne parle évidemment pas, enfin évidemment, justement, c'est pas le bon mot. On voit une photo des interprètes sans frontières, les casques sur l'oreille et les pieds dans l'herbe. Il y a des dizaines et des dizaines et des centaines de personnes qui, en faisant une traduction, en faisant les interprètes, en faisant petite main bénévole partout, ont permis à cette lutte de prendre de l'ampleur. Et quelle que soit sa condition physique, quelle que soit sa condition pécuniaire, il y a une place quelque part avec son savoir-faire qui peut aider la lutte. Donc ça, c'est chouette à chaque fois de voir les personnes de l'ombre comme ça être présentées. Un passage aussi sur les prix libres qui raconte des choses différentes aussi, des chouettes moments lâcher de lampion, de concert avec un gros bisou dans un concert. Ça, c'était un chouette moment. En fait, je tiens à préciser d'ailleurs pour les personnes qui verront cette photo et qui se poseront des questions, elle est présente dans un album déjà, un album de Mathieu, je sais plus, oui, enfin si, c'est dans le... c'est le dernier ou l'avant-dernier, enfin voilà, du groupe Amon Martin. Et donc voilà, cette photo de d'un public devant un concert, il y a deux amoureux qui sont un bisou, et je tiens à préciser que cette photo m'a été offerte par ce couple. J'ai montré en fait la photo aux personnes qui sont en premier plan et dont on voit le visage, pour avoir leur accord. Et ils étaient tout à fait d'accord, et non seulement ils étaient tout à fait d'accord, mais en plus ils ont été ravis de voir qu'elle a été utilisée dans un album de musique du groupe dont on parle juste après dans le bouquin, à Montmartin. Et là, en plus, elle sert aussi dans ce bouquin. Franchement, je trouve que c'est une jolie histoire, donc du coup, j'en profite pour la raconter. Merci pour ces cadeaux. Quand vous m'offrez des photos, c'est chouette, parce que même si j'essaye de ne pas prendre en photo les gens de manière frontale, pas seulement pour des histoires de sécu, mais pour des histoires de consentement, pour des histoires aussi de non-personnification, parce que chaque personne pourrait être une autre à un moment. Par moment, il y a des cadeaux comme ça qui sont offerts. Et ça m'émeut vachement quand on m'offre des photos. Voilà, donc de pouvoir les offrir derrière, c'est super. Donc maintenant, un passage sur les coulisses. Le clip qui déchaîna la tempête, et c'est vrai que c'est un passage houleux. Il est question de Sylvain Giraud, que j'ai pu rencontrer et que j'ai eu un grand bonheur, franchement, à travailler avec pour illustrer un de ses albums. Il m'a donné carte blanche totale et j'ai découvert son travail. Et waouh, c'est un super travail, Ouais, enfin bon, bref, il n'est pas question de ça. Et c'est un peu... Ouais, ça m'embête un peu qu'il soit question de Sylvain par ce biais-là, mais effectivement, donc voilà, Sylvain Giraud s'est produit à plusieurs reprises au rassemblement estival avec le groupe à Montmartin Quintet, chantant Notre-Dame des oiseaux de fer, texte qu'il a écrit. Ce titre est ensuite enregistré dans un clip qui déclencha une polémique. Je vous laisse découvrir parce que, franchement, la chanson vaut tellement mieux que tout ça. Donc voilà, ensuite, nous avons un passage sur un décortiquage dans les pionniers de la lutte. Au départ, il y eut le constat d'un mensonge. Ces piliers de la lutte ont commencé par une découverte au début des années 2000. Contrairement aux affirmations officielles, non, l'aéroport de Nantes-Atlantique n'était pas et ne serait pas saturé. Donc il est question de Christian Grisolet, qui s'est toujours un peu intéressé à l'aéronautique et de son parcours dans la lutte. Et Jean-Paul Minier peut-être aussi, oui c'est ça, il est question voilà, des décortiqueurs de mensonges. Autre personne éminemment attaquante, tiens, dans la lutte, Geneviève Coiffard, qu'on retrouve sur les pages suivantes. Embrouille et mensonge, membre d'attaque. Geneviève Coiffard a fait le lien avec la lutte contre les grands projets inutiles et imposés. Et pour la côtoyer régulièrement, eh ben Geneviève, chapeau pour tout ce boulot que tu as fait toi aussi. Voilà. Donc voilà, il est question un peu de son parcours. S'ensuit un chapitre, alors c'est un chapitre, je ne l'ai pas lu entièrement, hein, donc, mais j'ai survolé pas mal de passages. C'est un chapitre épique et épineux, puisqu'il est question de la manifestation du 22 février 2014, avec une question, une bataille perdue, point d'interrogation. Une manifestation ne se gère pas à Nantes comme dans le Bocage. Le mouvement anti-aéroport va la prendre à ses dépens. Les affrontements du 22 février 2014 éclipsent le très haut niveau de mobilisation. Et en fait, le passage, enfin le long déroulé de l'explication de cette manifestation permet de se rendre compte à quel point la manif a été préparée, à quel point elle a été empêchée, à quel point elle a été détournée de son but, et que mettre ces mots de empêcher et détourner sur le côté déterminé d'une partie, d'une petite partie de cette manifestation, détourne la réalité des faits, qui est que en fait il y avait des forces policières démesurées et du coup forcément provocante dans la vision de leur présence. Il y a entre autres une photo qui montre les horribles dégâts sur, par exemple, la mairie, où en fait c'est juste de la peinture. Le passage rappelle aussi, ce texte rappelle aussi qu'en termes de horribles dégâts et de villes dévastées, en vrai il y avait juste une quinzaine de vitrines cassées, dont le magasin, enfin le truc de Vinci qui est sur la rue de Strasbourg et où je crois les trois quarts des manifestants sont rentrés pour se venger de Vinci. Donc voilà, les casseurs, en fait, il y en a eu beaucoup si on part de ce principe-là. Et qui aussi rappelle que même le préfet a déclaré Nantes n'a pas été saccagée, contrairement à ce qui a été dit. Malgré tout ça, pendant 2 jours, 3 jours, il y a eu une déferlante de communication sur les horreurs des dégâts et tout. En fait, c'est une des rares fois où la préfecture et les porteurs d'aéroports ont réussi à gagner la communication, et on en est tous et toutes responsables parce que ça n'aurait pas dû être le cas. Voilà, et ce chapitre... Enfin, je veux dire, si on s'était tenu au langage, tenu sur le... J'en ai gros sur la patate hein, sur ce jour-là, donc je me permets une fois de plus d'en dire. Si on s'en était tenu à ce qui était dit dans le texte commun, la déclaration commune du soir du 22 février, et si on avait été cohérent sur la notion de violence, si on avait été cohérent sur le fait de ne pas rentrer dans le jeu de la condamnation recherchée, je pense qu'on n'aurait pas perdu cette bataille de la communication. Et il y a pour moi ici un énorme gâchis. Et j'avoue, j'espère qu'un jour il y aura une réhabilitation de cette manifestation. Ça se termine sur une photo que j'avais prise le soir. Et je tiens, je vais en profiter pour la contextualiser. Cette photo montre la rue dans le quartier Feydeau, une rue dépavée avec des barricades. Et elle est prise le soir, la nuit. Alors graphiquement, c'est très beau. Bon, là, elle n'est pas au mieux de sa valeur. Elle est un peu grisoune. Parce que j'aime beaucoup les contrastes, machin. Bon, on s'en fout de tout ça. Pardon. Je reprends l'histoire. En fait, cette photo, je tremblais quand je l'ai prise, presque. Il a fallu que je me concentre énormément pour qu'elle ne soit pas floue. Parce qu'en fait, je revenais de la bataille. Le harcèlement, je crois. On peut appeler ça un harcèlement. Des derniers militants qui étaient sur... le coin là du marché, il y avait, je sais pas, 200, 300 personnes qui étaient nassées, bombardées de lacrymo, bombardées de jets d'eau, bombardées de... Pendant des heures, ça a duré des heures, en fait, les flics se sont fait plaisir et ont fait un nassage, harcèlement, et il y a eu très peu de témoignages là-dessus. C'était hallucinant, C'était. Tu passais autour, tu voulais les aider, tu étais totalement impuissant. Enfin, c'était complètement. Complètement fou comme vision. C'était une vraie scène de guerre. Et c'était les manifestants qui étaient bloqués comme ça, nassés. Bref. À un moment, l'ordre est donné aux forces de l'ordre de dégager, de partir, parce que certaines n'ont plus de flotte dans les canons à eau, parce que ci, parce que ça. Et en fait, les flics n'ont pas du tout envie de lâcher. Mais vraiment pas. En particulier la BAC. Et du coup, pour se faire plaisir, parce que ben, pour certains, il restait quand même quelques munitions et tout, ils ont tout balancé. Et entre autres, moi, à ce moment-là, je partais, puisque je voyais que tout le monde partait, et puis que voilà. Je sentais, j'ai senti, je crois, un truc et tout. Je partais, donc je me suis dirigée vers la rue du quartier Feydeau, là, la rue qui est au milieu. Au moment de m'engouffrer dans la rue, il y a eu un lâchage de lacrymo alors que il ne se passait absolument rien. Le vide de la photo en témoigne. Il y avait quelques personnes sur les terrasses d'un côté et de l'autre, et c'est tout. Et en passant, les baqueux ont balancé de la lacrymo, mais comme ça, gratuitement, pour le plaisir de faire chier, quoi. Donc ça a été un mouvement de panique. Moi, j'ai des problèmes de genoux. Beaucoup le savent. Je ne peux pas courir. Si je cours, je tombe et je me pète les rotules. Et c'est 6 mois d'hospitalisation. Donc voilà, ça a été un gros moment de panique. Et heureusement, des personnes sont arrivées à ce moment-là, rentrées chez elles, nous ont ouvert les portes pour qu'on se protège à l'intérieur du couloir. Vraiment, mais immense merci à toutes les personnes qui ouvrent les portes. Portes qui sont cadenassées avec des digicodes partout. Quand vous ouvrez la porte aux manifestants et manifestantes pour les protéger des charges de baqueux complètement fous qui sont en train de matraquer tout le monde et de péter tout le monde, quand vous ouvrez la porte aussi en hiver, quand vous la laissez entrouverte pour les personnes qui ont froid dehors, mais tellement merci de rester humain. C'est. Mais vraiment, ces trucs de digicodes ont peut-être fait baisser un peu les vols. Mais c'est tellement peanuts par rapport à ce qu'elles ont bloqué de solidarité et de vivre ensemble. Gardez vos portes ouvertes. Grâce à ces personnes, j'ai pu me calmer, j'ai pu redescendre, j'ai pu trembler moins. Et je suis arrivée dans la rue après donc ce passage gratuit de lacrymo. Du coup, il restait un petit peu de fumée en suspension et de particules. Et en fait, du coup, ça faisait un truc très beau dans la rue, de cette tranchée de pavés et de ces barricades dans la lumière de la nuit. Et franchement, si vous avez déjà vu une lutte qui doit se battre pendant des années et des années et des années et affronter les mensonges de politiciens et d'entreprises sans faire la moindre barricade, et que cette lutte ait été victorieuse, donnez-moi tout de suite le nom. Moi j'ai cherché, il n'en existe pas. Donc le coup de oulala là là, les barricades, c'est pas bien. Stop. Soyons cohérents avec l'histoire. Voilà, du coup ça va être chouette parce que le passage suivant c'est sur les escargots. Enfin c'est chouette et pas chouette, mais moi j'ai trop kiffé. Parce que voilà, je kiffe les escargots. Donc j'étais trop contente qu'il y ait des opérations escargots. Et là, c'est le drame. Quand il s'agit d'opposants au projet d'aéroport, la justice pénale sait se montrer particulièrement ferme à Nantes et Saint-Nazaire. Bon, heureusement, ça a été. En fait, il y a eu les opérations escargots, et donc le chapitre raconte à quel point la répression a été mais totalement délirante là-dessus. Et en plus, illégale. C'est-à-dire que les jugements ont été cassés depuis par le parquet de Rennes. Donc voilà, chers escargots, chers escargottes, je vous kiffe, vous avez assuré. Et donc, il y a votre histoire aussi dans le bouquin Retour à Notre-Dame-des-Landes, avec une photo que j'ai faite et je suis trop contente. Ceci est un avertissement. Voilà, et la photo suivante aussi est une photo issue d'ailleurs de la manif du 22 février, avec des bottes balancées sur les caténaires de tram et l'hélico au-dessus en train de surveiller les bottes et nous en dessous. C'est un témoignage qui commence par ces mots. Discréditer la lutte aux yeux de la population. Pour Jean Petit, auteur de La bataille de Notre-Dame-des-Landes, élément de langage, il fallait enrayer la montée en puissance du mouvement. Et c'est super intéressant ce qui est raconté justement sur la notion de communication et de comment les choses se sont jouées. Puis le petit chapitre suivant, petit gros chapitre suivant, c'est sur trois petits tours de piste et puis s'en va la avec la Direction Générale de l'Aviation Civile, la DGAC. La phase de concertation de 2013 n'a pas duré un trimestre. Trois réunions et puis repart. Après avoir montré à quel point le service de l'État est juge, est parti. Donc voilà, c'est tout un chapitre qui décortique ça très bien sur cette embrouille. S'ensuit un autre passage qui se nomme le syndrome de Notre-Dame-des-Landes. Les opposants appellent cela le syndrome de Notre-Dame-des-Landes. Comprendre que la perspective d'un départ de l'aéroport actuel a fait obstacle à des investissements. C'est assez intéressant aussi. C'est tout, moi j'avoue, hein, c'est des pans de l'histoire de la lutte que je connais beaucoup moins. Hein. C'est la partie plus technique et vraiment liée à l'aéroport actuel et à ce qu'on tente de nous faire croire. Entre autres le fait que ça créera de nouveaux emplois, ce qui est archi faux et archi démontré que c'est faux. Entre autres sur la notion de l'emprise de l'aéroport, un peu comme si, tu vois, en fait, en vrai, ce qu'ils essayent de nous dire, c'est qu'en fait, il va y avoir un aéroport, et autour, non, on va absolument pas toucher à la nature autour et à quoi que ce soit autour. Il n'y aura pas d'hôtel, il n'y aura pas de trucs de commerce qui vont se développer, mais aller voir les aéroports ailleurs, quoi. En fait, c'est pas pour rien que les aéroports sont dans des villes, c'est qu'en fait, un aéroport attire la ville. Donc, même si tu le construis au départ à côté d'une ville, au fur et à mesure, la ville va aller vers lui. Donc, voilà, bref. J'arrête pas de faire des digressions. Le chapitre suivant, c'est l'aérogare du grand aéroport serait plus petit. Et ça, plus petite parce que c'est une aérogare. Et ça, ça a été le truc qui nous a fait halluciner. La nouvelle aérogare serait adaptée à la nouvelle économie du transport aérien, loin des exigences de la DGAC pour Nantes Atlantique. Et donc, eh ben, elle est plus petite. Voilà, ah, ça fait partie des multiples trucs où, en fait, à un moment, tu arrives avec tellement d'éléments que ça te fait rire tellement, c'est hallucinant, quoi. Et c'est assez chouette, d'ailleurs, parce que c'est la transition qui permet de présenter une initiative plus tardive qui a été prise par l'architecte Yvan Fouquet et d'autres, de monter un atelier citoyen qui a fait un boulot de dingue aussi, comme la CIPA et comme d'autres. Et eux, voilà, ils ont attaqué le problème encore par un autre angle et ils ont fait un décortiquage monstrueux. Donc, l'expertise citoyenne est une arme. Et ça, clairement, c'est le gros... Enfin, avec l'occupation, un des gros postes de cette lutte, un des gros enseignements, c'est que, en fait, nous, participants et participantes à cette lutte, nous avons tous et toutes des compétences. Et que quand on les met au service du mouvement, ça fait un pôle d'expertise que même les meilleures entreprises n'auront jamais. Parce que, bah voilà, elles n'ont pas 36 000 personnes sous la main. Pour l'architecte Yvan Fouquet, la lutte contre le projet d'aéroport passe aussi par la contre-expertise citoyenne. Elle a montré la possibilité d'aménager l'actuel aéroport à moindre coût, corrigeant les estimations gonflées de l'aviation civile. Voilà, donc c'est toute une présentation du travail de l'atelier citoyen. Et ensuite, Françoise. Une présentation de Françoise Verchères, qui elle aussi est une des figures multiples et importantes de cette lutte. Si on lâche, c'est le mal qui l'emporte. Elle se dit révoltée par l'injustice et la malhonnêteté intellectuelle. Confrontée au dossier Notre-Dame-des-Landes, l'ancienne élue Françoise Verchères a perdu toutes ses illusions. Alors, toutes ses illusions, point de suspension, hein. Faut lire ce qui est écrit. Elle a perdu certaines illusions très précises et pas pour rien. Et c'est vraiment très chouette la manière dont elle en parle. Parce qu'en plus, elle n'hésite pas à balancer certains trucs et c'est du régal. Puis, illustrée par une photo que j'avais faite le 22 février, c'est ça qui est très drôle, c'est que cette photo est éminemment politique. C'était un très très beau mobile qui était présent dans la manifestation du 22 février 2014 avec une planète, avec des oiseaux, un triton, une salamandre, des bestioles, enfin voilà, des oiseaux, tout ça, des fleufleurs et tout. C'était très beau, ça fait penser un peu au cirque de Calder, c'était une sorte de... c'est exactement comme ces choses que tu mets au-dessus des berceaux et qui tournent et qui sont très belles. Et ben voilà, ça c'est était aussi dans la manifestation du 22 février. Et toute cette partie-là n'a pas été montrée. Et merci, voilà, de la montrer. C'est vraiment, moi, j'ai passé 2 nuits blanches et 3 jours à travailler toutes les photos que j'avais faites sur la manif du 22 février pour tenter de contrecarrer la communication qui se faisait uniquement à partir de photos flippantes. Et que ça représentait juste une partie. Je ne dis pas que ça n'ait pas existé, hein, ces moments de baston. Mais que ça représentait une partie et non pas l'ensemble de la manifestation. Et ce décalage total, ce parti pris vendeur, parce que c'est ça, hein, le parti pris des mainstream, c'est on va foutre un maximum les photos choquantes, parce que ça fait appel au cerveau reptilien et que comme ça on va pouvoir vendre. Et le problème, c'est que même en utilisant ces photos-là, il n'y avait pas de travail d'équilibre de fait non plus dans le texte qui accompagnait les photos de la communication du 22 février. Oui, bon, bref, vous avez compris, ça me reste en travers de la gorge. Et franchement, toute la profession a de quoi avoir vraiment honte sur sa responsabilité quant à ce qui s'est passé à ce moment-là. Et sur la non-représentation de ce qu'était réellement cette manifestation, dans sa diversité. Parce que ce mouvement, sa force, c'est sa diversité. Et que tout braquer comme projecteur d'un côté ou de l'autre du mouvement, c'est pas la réalité. Donc, Triton et Salamandre en première ligne. Au début, la question environnementale passait un peu au second plan. Le travail de terrain des naturalistes en lutte a contribué à faire connaître la grande richesse du territoire menacé par le projet d'aéroport. Et là, donc voilà, il y a tout un chapitre assez long parce que vraiment, c'est effectivement un grand travail qu'ont fait les naturalistes sur ce décompte, enfin cette présentation de la richesse. Mais c'est fou le boulot qu'ils ont fait. Donc voilà, il y a plein de choses qui sont racontées là dans ces différentes pages. Il parle même de l'atelier des masques, les vacances du campagnol. Enfin, ah ouais, parce que le campagnol, c'était pas rien, cette histoire. Enfin bon, ouais, il faut que vous découvriez tout ça, si vous ne le connaissez pas déjà. Et même si vous le connaissez, c'est chouette de relire ces trucs-là. Et alors, s'en suit un chapitre, moi, qui me fait jubiler, qui s'intitule « Non, les hérons n'ont pas peur des avions ». Et on peut le redire en boucle parce qu'en fait, c'est un des arguments des pro-aéroports qui continuent à utiliser à l'envi, sans arrêt, alors qu'il est démonté depuis super longtemps, disant que, voilà, depuis des années, le lobby pro-aéroport tente de faire croire à une menace des avions pour les oiseaux du lac de Grandlieu, sans apporter la moindre preuve, et non seulement sans apporter la moindre preuve, mais en plus, il se trouve, ça, mais c'est hallucinant, que l'ancien directeur de cet espace protégé, qui a été directeur pendant 23 ans, qui est scientifique et tout, a fait plein de textes, dont un très très qu'on a balancé autant qu'on a pu, dont un qui explique que non, il n'y a jamais eu de problème majeur lié à la présence des avions. Et en fait, c'est tellement logique, sinon, en fait, en vrai, c'est les avions qui se protègent des oiseaux, hein. C'est pas l'inverse. Les oiseaux sont souvent proches des zones aéroportuaires. Donc voilà, c'est un passage assez jubilatoire sur un de ces multiples mensonges qui sont déconstruits. S'en suit un autre passage, des modes de pensée vieux de 50 ans. Une autre personne du l'important travail des naturalistes en lutte a contribué à la prise de conscience de la dimension biodiversité du dossier, constate François de Beaulieu à l'origine de la démarche, mais les juges et les élus sont passés à côté. Donc voilà, c'est tout un passage sur le travail de François de Beaulieu. S'en suit un autre chouette portrait, avec une chouette photo de Jean-Marie Dréan, une vigie naturaliste dans la ZAD. Le botaniste Jean-Marie Dréan s'est installé dès 2010 dans la ZAD. Il y organise des visites sur le terrain à la découverte d'un milieu exceptionnel. Voilà, donc c'est un chouette passage sur lui. Puis, ce par qui le scandale est arrivé. Alors, tendant, là, c'est les pilotes et les commandants qui s'opposent au projet de soi-disant transfert, de Nantes-Atlantique. La contestation a trouvé des relais dans les milieux inattendus. Ainsi, les pilotes de ligne, un camarade de promotion de François Hollande à l'ENA et un ancien patron de compagnie aérienne s'opposent au projet. Donc, commence par une photo de Laetitia Notariani qui a réalisé la plupart des portraits présents dans le livre et des chouettes portraits, avec Thierry Masson, Marc Fradet et Vincent Liquière, trois pilotes de ligne, commandants de bord basés à Nantes. Ils font partie du collectif de pilotes opposés au projet de Notre-Dame-des-Landes. Et c'est leur témoignage qui suit, avec des petits passages assez succulents, puisque effectivement l'un des opposants, Patrick Varin, qui appartient à la même promotion que Ségolène Royal et François Hollande dans la promotion Voltaire, où il y avait aussi Dominique de Villepin, Michel Sapin, etc. Enfin bon, vous voyez l'élite, hein, n'est-ce pas? Donc, c'est assez intéressant. On a aussi un passage avec Jacques Banquier, qui a fait des sacrés écrits hyper intéressants, et qui parle lui aussi pas de n'importe où, puisqu'il a dirigé de nombreuses compagnies aériennes. Et donc c'est un patron, et il explique en fait un patron qui n'aime pas les mensonges. Tous les chefs d'entreprise ne sont pas des partisans de l'aéroport. Ainsi, Jean-Marie Ravier, Jean-Marie Ravier, effectivement un patron d'Ancenis qui a rejoint lui aussi l'opposition, animant débats et ateliers citoyens. Donc voilà, Jacques Banquier et Jean-Marie Ravier, qui sont des paroles de patron qu'on a pu entendre sur le dossier, avec des arguments très économiques. Hein. Donc comme quoi, il est possible d'être patron et d'être contre le projet, avec des arguments en plus, on ne peut plus, raisonnables. Un autre chapitre, et j'ai dit, mais en fait, ça fait plus d'une heure que je cause, je vous plains. Un autre chapitre sur les manifs qui imposaient le silence, c'est un petit pied de nez. En fait, quel est le point commun entre la chaîne humaine autour de la ZAD en mai 2013, puis les manifestations de janvier 2016 sur le pont de Cheviré et la 4 voies Nantes-Vannes? Le silence. Ce sont des manifestations plutôt importantes qui ont rassemblé énormément de monde, mais comme elles ne se passent pas dans la ville et qu'il n'y a pas de heure, et donc il n'y a pas de sang, et donc il n'y a pas de choses sensationnalistes, eh bien, il y a eu un gros silence médiatique. Enfin, ça a été relayé, hein. On ne va pas dire qu'il n'y a rien eu. Mais franchement, proportionnellement à la taille des rassemblements, voilà, voilà, voilà. Quand on voit la tribune offerte aux 300 manifestants pro-aéroport dans le Figaro récemment, voilà, on n'est pas là, c'est plus. C'est pas 300 personnes là, qui sont sur ces manifestations-là, mais des milliers et des milliers et des milliers qui défilent sur eux, qui bloquent des quatre voies et tout. Donc, bon, bref. Pareil, c'est un chapitre chouette à lire. S'en suit le chapitre Le cadeau du juge aux paysans, qui est un décortiquage assez intéressant de cette drôle d'histoire. En janvier 2016, tout en prononçant l'expulsion des paysans et habitants historiques de la ZAD, le juge a refusé de leur imposer les lourdes astreintes financières demandées par AGO Vinci pour les faire partir. Une décision lourde de conséquences. Effectivement, la fric est quand même un peu le nerf de la guerre. Et le décortiquage de ce dossier est vraiment important à comprendre. Un autre passage d'ailleurs sur les jugements, les audiences ont été des tribunes. Une victoire, estime l'avocat Erwan Lemoigne, quand il évoque la décision du juge de ne pas imposer d'astreinte financière aux expulsés. Et juste après, il y a un chouette portrait de Sylvie et Marcel Thébault, qui donc sont les plumes du blog dont je parlais tout à l'heure, Paroles de campagne, et qui écrivent bigrement bien, et qui là, voilà, racontent leur lutte. Et autre portrait qui s'ensuit, donc déjà celui-ci, s'intitule « Les résistants du Limambou, malgré la fatigue de 20 années de combat ». Malgré la menace sur leur exploitation installée au village du Limambou, Sylvie et Marcel Thébault s'accrochent à leurs terres et font des projets. La notion de fatigue est très importante. Je crois que les gens ne se rendent pas compte à quel point les familles ont été marquées par cette lutte, à quel point ça a bouffé la vie de ces personnes, et franchement, chapeau. Un autre portrait ensuite, de témoins, les indéracinables des domaines. Leurs ancêtres ont défriché la lande du 19e siècle. Au cœur de la zone dévolue à l'aéroport, les fréneaux se comparent à des chênes que les bulldozers ne viendront pas déraciner. Et là aussi, ouais, c'est un chouette portrait de Sylvain et Brigitte, et aussi de leur voisin Alphonse. Enfin, il en est question. S'ensuit tout un passage sur la ZAD, une nouvelle société dans la marmite de la ZAD. Bien loin des caricatures, la ZAD expérimente de nouveaux rapports entre les individus, avec ses prix libres, ses chantiers. Ici, on construit, on élève des animaux, on cultive, on palabre, on apprend et on transmet ce que l'on sait. On élève des animaux ou on pose la question de l'élevage des animaux aussi. Voilà, donc il y a pas mal de personnes qui témoignent dans ces passages-là de la vie sur la ZAD, avec quelques portraits, en particulier un portrait tout simple de un chouette portrait à l'intérieur de je sais pas comment il est appelé dans le livre, du coup je vais pas faire de gaffe, donc on va dire le forgeron qui s'est installé sur la ZAD. Il y a aussi une photo, alors la bibliothèque que personnellement je n'ai toujours pas pu voir parce qu'elle n'est pas spécialement accessible pour les personnes à mobilité réduite. Ça, c'est un gros regret, mais je ne doute pas qu'elle le sera un jour. Et nous avons ensuite une présentation. Au-delà de l'utopie, un autre monde est possible. D'autres expérimentations hors champ sont décrites dans un ouvrage signé par deux activistes installés dans la ZAD. Isabelle, ex-professeur d'université, et John, artiste, sont partis plusieurs mois à la rencontre de ces communautés. Donc c'est une présentation du voyage de Isabelle et John, qui parle de Heathrow, qui parle d'autres camps, d'autres possibles ailleurs, et qui font la jonction entre tout ça. Un portrait de Jean-Jo, le cuistot de la Black Plouk. La Black Plouk Kitchen. Merci les copains pour et les copines pour ce nom assez difficile en prononciation. Voilà un drôle de nom pour une auberge, Jean-Jo, l'un des cuistots, parce qu'effectivement, il n'est pas le seul, au fourneau de cette cantine installée à Bellevue, dans une benne de tracteur transformé en roulotte mapante. Et franchement, la roulotte, elle est trop belle. Et c'est chouette qu'il y ait cette photo, mais je pense qu'il va falloir que je la retravaille. Elle est un peu trop sombre, qui a été prise pendant le rassemblement d'été de 2015, où tu as le soleil qui passe à travers la vitre. Et puis un portrait de Mika, le paysan boulanger des Fosses Noires. Chaque vendredi du jour du No Marché aux Fosses Noires, les amateurs de pain défilent dans le fourmilier de Michael, dit Mika. Tu m'étonnes qu'il défile, le pain est super bon. Ils ont le choix entre blé et sarrasin, deux céréales cultivées par le boulanger lui-même qui vit sur place. Donc c'est un arrivant un peu plus récent. Il y avait une autre personne qui s'occupait de la boulange avant. Et donc voilà, il y a eu un tuilage. C'est un des tuilages qui a été fait sur la ZAD et c'est vraiment chouette. Donc voilà, un témoignage de Mika, puis une photo prise lors du rassemblement du 8 octobre 2016 avec Sylvain Fresnaud de dos et d'autres personnes en train de passer et planter les bâtons, la poussière du temps sur un si vieux projet. C'est en fait la photo qui introduit, avec plein d'autres photos, une chronologie complète de toutes les actions, les moments, les temps forts et tout. Et franchement, cette chronologie, elle est trop bien. Il faudra que je demande l'autorisation de la diffuser, je pense. Elle reprend, un peu, remarque, on la trouve aussi sur les livres en ligne de Mauvaise Troupe. Elle reprend donc toute la chronologie depuis 1966. Donc apparue en 63, l'idée d'un aéroport international de remplacement de celui situé au sud-ouest de Nantes est reprise par l'OREAM, l'OREAM, l'organisme d'études et d'aménagement de l'aire métropolitaine de Nantes-Saint-Nazaire. La Chambre de commerce et d'industrie rêve d'un grand complexe industriel autour de la sidérurgie ou de la pétrochimie. Voilà de quoi part ce projet, et vous avez donc toutes les dates qui s'égrènent jusqu'au 8 et 9 juillet de cette année 2017. Sachant que, et oui, depuis, il y a eu encore d'autres événements. Et puis, un petit glossaire. Voilà, donc pour une lecture de plus d'une heure de présentation de ce bouquin. Désolée, j'avais pas du tout prévu ça au départ, hein. J'avais juste prévu un survol super rapide, mais bon. C'est chouette d'avoir collaboré à ce projet. On n'est pas forcément sur les mêmes lignes. Je tiens vraiment à préciser ça. Hein. C'est pas un truc d'adhésion ou pas, d'ailleurs, on s'en fout parce que c'est vraiment le vécu et les explications de Marc Leduc et de Jocelyne Rat sur la manière dont ils ont perçu les couverts. Cette très très très longue bataille dont on espère une issue favorable, non seulement par le fait de lâcher le projet, ça je pense que c'est juste pas possible autrement, c'est juste que je pense que l'État cherche à ne pas perdre la face là-dessus et que c'est là-dessus en fait qu'est le combat désormais. Vraiment, de rester soudé dans la diversité, de vraiment faire très très très attention à ne pas présenter la ZAD comme étant un lieu tout gentil, tout beau. Non, ça doit rester un lieu divers, varié et parfois, par certains endroits, inquiétant, dérangeant, parce que c'est cette diversité qui a fait la lutte. C'est cette multiplicité de visages et de fonctionnements qui ont permis, bah ouais, effectivement, les arrachés, comme ils ont été appelés à un moment, sont des personnes qui peuvent des fois poser problème pour certains comportements et qui aussi sont ces mêmes personnes qui ont tenu les barricades des fois pendant toute la nuit dans le froid et que pas grand monde est capable de faire ça. Il y avait d'autres personnes, hein, mais voilà, ne pas oublier ça et donc ne pas accepter de vendre la ZAD avec un visage lissé sous prétexte que c'est le seul moyen qu'elle ne soit pas délogée. Il faut se rappeler que la ZAD est désormais un grand village, avec beaucoup de gens, beaucoup d'espaces occupés, et que l'évacuer veut dire convoquer une opération militaire, et non plus seulement policière, et que c'est évidemment hors de question, mais que ce n'est pas parce qu'on craint ce genre d'opération militaire qu'on doit brader la lutte. Voilà, je me permets de terminer par cette note qui me semble super importante en ce moment, d'être super vigilant sur les paroles qui sont dites autour de la ZAD, autour des zadistes, ce terme fourre-tout et fourre-peur surtout, des habitants et occupants et occupantes de la ZAD, de la zone à défendre de Notre-Dame-des-Landes. Donc c'est un livre à feuilleter, à découvrir. Je crois qu'il y en a, alors je sais qu'il y en a à la Wardine, à la ZAD, il me semble qu'il y en a de prévus, alors, je ne sais pas s'ils sont déjà arrivés aussi évidemment à la bibliothèque du Talus. Qu'il y en aura dans d'autres longs endroits, je pense autour de la CIPA, enfin je pense que chaque composante de la lutte aura son ou ses exemplaires qui pourront tourner. Sinon il est trouvable et commandable auprès des éditions Le Temps, éditeur Le Temps, et donc présent dans pas mal de magasins et compagnie au prix de 17 euros. Donc moi c'est vrai que voilà, je suis contente d'avoir pu procurer en y participant, parce que sinon je fais partie des nombreuses personnes, car dans cette lutte il y a beaucoup beaucoup beaucoup de personnes qui ont fait le choix de la pauvreté, ce qui implique que c'est compliqué régulièrement sur des choses marchandes. Voilà, bah, je vous laisse, hein, parce que bon, je crois que ça commence à bien faire, et je vous dis à très bientôt pour une lecture promis plus courte. Au revoir.